porter le cross dans le garage. J'en marque dans les parages. J'fais le mec serein en barrage. On vient, on nique tout et on s'arrache. Arrête de faire le voyou, tiens un garage. J'reconnais le T-Max au démarrage. Si c'est raquette, meurt, voilà l'étalage. T'es trop facile à trouver comme une calage. Tu peines moi, si moi ça laisse moi loin du bendo. Moi, j'rentre dedans, j'fais pas taekwondo. Porte les couilles à des gains, tu seras loin des blames pro. Qui c'était pas facile, j'ai connu la endo. Ils montent tous descendus. C'est tourne dos, c'est vendu. Un bandit sur incendie, c'est la patate la sentu. Ma bouche crache des flammes, dans le gamin y'a incendie. La conso dans la mêlée. Attention comment tu parles, tu vas prendre un moulon. Ça veut baiser l'état comme Marco Mouli. J'ai la tête partout, j'peux pas être fourré au moulin. Et plus de sacrifices pour des sacrifices de pute. J'veux demain, hop, boum, boum, t'existe plus. J'fais pas le Corleone Vito. Aquarium dans le Vito, vite teinté. Mes potes veulent tous finir vite blindés. J'sors de l'avion, on m'accueille avec les vides blindés. Pourquoi tu fais le voyou, après tu vas finir par blinder. Les gens, je les vois claquer comme si j'avais touché le quinté. Petit chaud au volant, j'ai fait peur au boulanger. Faire des sous, faut manger. T'étais trop lent, j'ai rasé le collant. J'ai pas le temps de relancer, pas le temps de romancer. C'est pour mes braqueurs, mes voleurs à l'ancienne. J'continue dans ma lancée. Dans la street, non, non, faut pas balancer. J'suis pas la famille, on va t'attacher. Et tout ce qu'on dit ne va pas le rabâcher. Moi j'ai rien à prouver, j'ai rien à cacher. J'représente les frères qui gardent la pêche au cachot. J'suis pas la star, non, j'suis pas de chichi. Moi j'suis sans coco, magadis chichi. J'suis son bébé, j'suis son chouchou. J'faisais des tours et j'suis passé, ouais, chéché. Dans la vie, y'a des putes, y'a des bons, y'a ce qui pige, y'a les cons. Moi j'fais pas que qu'un riche, j'fais pas de trous dans les comptes. J'fais pas le mec dans l'icône, j'fais la bombe, elle est quinte. Tu veux savoir combien j'ai fait de son? Tu me fais le vrai métier dans quelqu'un. Dis-moi, poteau, tu attends quelqu'un? Ça me fait le site Jules vers Camille Pelletin. J'passe vers un ville, j'vois, ils en pètent un. Armés sur la moto, les jeunes n'y pensent plus. Les mères pleurent, les cimetières, ils sont remplis. Les folies traitent, moi, j'y pense plus. Les PTH, ouais, j'suis toujours anti. J'fais des tacles à la Koundé. J'vais te mettre des droites à la Doumbé. On a les crocs, on vient d'en bas. On s'est relevé à chaque fois qu'on est tombé. Ombré d'un cahier. J'suis resté dehors quand il caillait. Tout en rêvant du Porsche Caillou. En évitant de détailler, racailler L-O-V-N-I. Pour ce qui touche le RMI, pour ce qui traîne au PMU, ce qui ont sorti le TN9. Mes droits les RM, rend fou la PM. On vient du ghetto comme la PN. Je traîne en équipe et des fois seul. Même quand on perd, c'est Olympique de Marseille. On a les dents, on est tous excités. On va pas rien faire, on veut tous exister. On a fait les 400 coups à la cité. Voiture sans phare, direction insistée. Levage de moto, niquage de poteau. La street y'a pas photo, tu peux partir trop tôt. Quartier nord, quartier sud, centre-ville. Pour ce qui sert de leur cerveau quand ils ont l'entre vide. Parce qu'ils ont des problèmes qui s'aillent dans d'autres villes. Pas pour les faux voyous qui se donnent une autre vie. J'aime pas les bitches, j'tease, j'tease. Tous les trophées comme Zidane, j'tease, j'maîtrise. Fils, j'm'en fous de ce qu'ils disent. Disent, j'ai les dents aiguisées, guisées. J'me le plais en pompiste, les chants comme piste. J'ai percé sans piston, dans la pied mon fiston. Alors reste en piste, en fumette quand j'poste. J'suis pas ton pote, à la compote. J'te brise la cote, tu finis mood. J't'ai compris, c'est tout le mois d'août. J'ai de la peau, c'est la frappe, faut que tu la goûtes. Nique la mère à ce qui broute. Quand y'a un doute, y'a plus de doute. Je peux pas faire semblant, je vais pas rapper sans temps. Je marche pas au semblant, je les ai braqués sans gants. Wesh alors le sanguin, on a fait les 400 coups. On a souffert ensemble, manger des pâtes sans goût. Comprends pas qui pourra un pépé, j'ai mis sans gohan. Casquette en arrière, gros, je sais que la gohème. Regarde-moi est-ce que j'ai la tête à écrire des poèmes.